Premier flocon, nous l'avons fait. Tout l'hiver, il nous a regardés. Même devant les gens qui s'en moquaient. Ses bons yeux toujours nous souriait. À briller. Et de joie, tous les enfants riaient. De ses yeux, de grosses larmes ont coulé. Et sans un mot, il s'en est allé.